je courus à la maison chercher le seau de fer blanc, bien récuré, dans lequel on trayait autrefois la roussette et que j'avais vu accrocher à sa place ordinaire, bien que depuis longtemps il n'y eut plus de vache à l'étable chez Mère Barberin. En revenant, je l'emplis d'eau, afin qu'on pût laver la mamelle de notre vache, qui était pleine de poussière. Quelle satisfaction pour Mère Barberin, quand elle vit son seau aux trois quarts rempli d'un beau lait mousseux. « Je crois qu'elle donnera plus de lait que la roussette, » dit-elle. « Et quel bon lait, » dit Mathia, « il sent la fleur d'oranger. » Mère Barberin regarda Mathia avec curiosité, se demandant bien manifestement ce que c'était que la fleur d'oranger. « C'est une bonne chose qu'on boit à l'hôpital quand on est malade, » dit Mathia, qui aimait à ne pas garder ses connaissances pour lui tout seul. La vache traite, on la lâcha dans la cour pour qu'elle pût paître, et nous rentrâmes à la maison où, en venant chercher le seau, j'avais préparé sur la table, en belle place, notre beurre et notre farine. Quand Mère Barberin aperçut cette nouvelle surprise, elle recommença ses exclamations, mais je crus que la franchise m'obligeait à les interrompre. « Celle-là, dis-je, c'est pour nous, au moins autant que pour toi. Nous mourons de faim et nous avons envie de manger des crêpes. Te rappelles-tu comment nous avons été interrompus le dernier mardi gras que j'ai passé ici, et comment le beurre que tu avais emprunté pour me faire des crêpes a servi à fricasser des oignons dans la poêle? Cette fois, nous ne serons pas dérangés. » « Tu sais donc que Barberin est à Paris ?» demanda Mère Barberin. « Oui. Et sais-tu aussi ce qu'il est allé faire à Paris ?» « Non. Cela a de l'intérêt pour toi. »« Pour moi ?» dis-je effrayé. Mais avant de répondre, Mère Barberin regarda Mathia, comme si elle n'osait parler devant lui. « Oh, tu peux parler devant Mathia ? » dis-je. « Je t'ai expliqué qu'il était un frère pour moi. Tout ce qui m'intéresse l'intéresse aussi. »« C'est que cela est assez long à expliquer, » dit-elle. Je vis qu'elle avait de la répugnance à parler, et ne voulant pas la presser devant Mathia, de peur qu'elle refusât, ce qui, me semblait-il, devait peiner celui-ci, je décidai d'attendre pour savoir ce que Barberin était allé faire à Paris. « Barberin doit-il revenir bientôt ? » demandai-je. « Oh non, bien sûr. Alors rien ne presse, occupons-nous des crêpes. Tu me diras plus tard ce qu'il y a d'intéressant pour moi dans ce voyage de Barberin à Paris. Puisqu'il n'y a pas à craindre qu'il revienne fricasser ses oignons dans notre poêle, nous avons tout le temps à nous. « As-tu des œufs ?»« Non, je n'ai plus de poule. »« Nous ne t'avons pas apporté d'œufs parce que nous avions peur de les casser. Ne peux-tu pas aller en emprunter ?» Elle parut embarrassée et je compris qu'elle avait peut-être emprunté trop souvent pour emprunter encore. « Il vaut mieux que j'aille en acheter moi-même, » dis-je. « Pendant ce temps, tu prépareras la pâte avec le lait. J'en trouverai chez Soquet, n'est-ce pas ?» J'y cours. « Dis à Mathia de casser ta bourrée. » « Il casse très bien le bois, Mathia. » Chez Soquet, j'achetai non seulement une douzaine d'œufs, mais encore un petit morceau de lard. Quand je revins, la farine était délayée avec le lait, et il n'y avait plus qu'à mêler les œufs à la pâte. Il est vrai qu'elle n'aurait pas le temps de lever, mais nous avions trop grande faim pour attendre. Si elle était un peu lourde, nos estomacs étaient assez solides pour ne pas se plaindre. « Ah ça !» dit Mère Barberin, tout en battant vigoureusement la pâte. « Puisque tu es si bon garçon, comment se fait-il que tu ne m'aies jamais donné de tes nouvelles ? Sais-tu que je t'ai cru mort bien souvent ? Car je me disais, si Rémi était encore de ce monde, il écrirait bien sûr à sa mère Barberin. » Elle n'était pas toute seule, mère Barberin. Il y avait avec elle un père Barberin qui était le maître de la maison et qui l'avait bien prouvé en me vendant un jour 40 francs à un vieux musicien. « Il ne faut pas parler de ça, mon petit Rémi. » Oh, ce n'est pas pour me plaindre, c'est pour t'expliquer comment je n'ai pas osé t'écrire. J'avais peur, si on me découvrait, qu'on me vendît de nouveau, et je ne voulais pas être vendu. Voilà pourquoi, quand j'ai perdu mon vieux maître, qui était un brave homme, je ne t'ai pas écrit. Ah, il est mort, le vieux musicien ? Oui, et je l'ai bien pleuré, car si je sais quelque chose aujourd'hui, si je suis en état de gagner ma vie, c'est à lui que je le dois. Après lui, j'ai trouvé des braves gens aussi pour me recueillir et j'ai travaillé chez eux. Mais si je t'avais écrit « Je suis jardinier à la glacière », ne serait-on pas venu m'y chercher ? Ou bien n'aurait-on pas demandé de l'argent à ces braves gens ? Je ne voulais ni l'un ni l'autre. Oui, je comprends cela. Mais cela ne m'empêchait pas de penser à toi. Et quand j'étais malheureux, Cela m'est arrivé quelquefois. C'était Mère Barberin que j'appelais à mon secours. Le jour où j'ai été libre de faire ce que je voulais, je suis venue l'embrasser. Pas tout de suite, cela est vrai, mais on ne fait pas ce qu'on veut. Et j'avais une idée qu'il n'était pas facile de mettre à exécution. Il fallait la gagner, notre vache, avant de te l'offrir. Et l'argent ne tombait pas dans notre poche en belles pièces de 100 sous. Il a fallu en jouer, des airs, tout le long du chemin. Des gais, des tristes. Il a fallu marcher, suer, peiner, se priver. Mais plus on avait de peine, plus on était content. N'est-il pas vrai, Mathia? On comptait l'argent tous les soirs. Non seulement celui qu'on avait gagné dans la journée, mais celui qu'on avait déjà, pour voir s'il n'avait pas doublé. Ah, les bons enfants, les bons garçons! Tout en parlant, tandis que Mère Barberin battait la pâte pour nos crêpes et que Mathia cassait la bourrée, je mettais les assiettes, les fourchettes, les verres sur la table et j'allais à la fontaine emplir la cruche d'eau. Quand je revins, la terrine était pleine d'une belle bouillie jaunâtre et Mère Barberin frottait avec un bouchon de foin vigoureusement la poêle à frire. Dans la cheminée flambait un beau feu clair que Mathia entretenait en y mettant des branches brin à brin. Assis sur son séant, dans un coin de l'âtre, Capi regardait ses préparatifs d'un œil attendri. Et comme il se brûlait, de temps en temps il levait une patte, tantôt l'une, tantôt l'autre, avec un petit cri. La violente clarté de la flamme pénétrait jusque dans les coins les plus sombres, et je voyais danser les personnages peints sur les rideaux d'indienne du lit, qui si souvent dans mon enfance m'avaient fait peur la nuit, lorsque je m'éveillais par un beau clair de lune. Mère Barberin mit la poêle au feu. Ayant pris un morceau de beurre au bout de son couteau, elle le fit glisser dans la poêle, où il fondit aussitôt. « Ça sent bon !» s'écria Mathia, qui se tenait le nez au-dessus du feu, sans peur de se brûler. Le beurre commença à grésiller. « Il chante !» cria Mathia. « Oh, il faut que je l'accompagne !» Pour Mathia, tout devait se faire en musique. Il prit son violon, et doucement, en sourdine, il se mit à plaquer des accords sur la chanson de la poêle, ce qui fit rire Mère Barberin aux éclats. Mais le moment était trop solennel pour s'abandonner à une gaieté intempestive. Avec la cuillère à peau, Mère Barberin a plongé dans la terrine d'où elle retire la pâte qui coule en longs fils blancs. Elle verse la pâte dans la poêle et le beurre qui se retire, devant cette blanche inondation, la frange d'un cercle roux. À mon tour, je me penche en avant. Mère Barberin donne une tape sur la queue de la poêle. Puis d'un coup de main, elle fait sauter la crêpe au grand effroi de Mathia. Mais il n'y a rien à craindre. Après avoir été faire une courte promenade dans la cheminée, la crêpe retombe dans la poêle, sens dessus-dessous, montrant sa face rissolée. Je n'ai que le temps de prendre une assiette et la crêpe glisse dedans. Elle est pour Mathia qui se brûle les doigts, les lèvres, la langue et le gosier. Mais qu'importe, il ne pense pas à sa brûlure. « Ah, que c'est bon !» dit-il, la bouche pleine. C'est à mon tour de tendre mon assiette et de me brûler. Mais pas plus que Mathia, je ne pense à la brûlure. La troisième crêpe est rissolée, et Mathia avance la main. Mais Capi pousse un formidable jappement. Il réclame son tour, et comme c'est justice, Mathia lui offre la crêpe au grand scandale de Mère Barberin, qui a pour les bêtes l'indifférence des gens de la campagne, et qui ne comprend pas qu'on donne à un chien un manger de chrétien. Pour la calmer, je lui explique que Capi est un savant, et que d'ailleurs, il a gagné une part de la vache. Et puis c'est notre camarade, il doit donc manger comme nous, avec nous, puisqu'elle a déclaré qu'elle ne toucherait pas aux crêpes avant que notre terrible faim ne soit calmée. Il fallut longtemps avant que cette faim, et surtout notre gourmandise, fût satisfaite. Cependant, il arriva un moment où nous déclarâmes d'un commun accord que nous ne mangerions plus une seule crêpe avant que Mère Barberin en eût mangé quelques-unes. Et alors ce fut à notre tour de vouloir faire les crêpes nous-mêmes, au mien d'abord, à celui de Mathia ensuite. Mettre le beurre, verser la pâte, était assez facile, mais ce que nous n'avions pas, c'était le coup de main pour faire sauter la crêpe. J'en mis une dans les cendres, et Mathia en reçut une autre toute brûlante sur la main. Quand la terrine fut enfin vidée, Mathia, qui s'était très bien aperçu que Mère Barberin ne voulait point parler devant lui de ce qui avait de l'intérêt pour moi, déclara qu'il avait envie de voir un peu comment se conduisait la vache dans la cour. Et sans rien écouter, il nous laissa en tête à tête, Mère Barberin et moi.

Je les connais, sois tranquille. Et depuis son départ, Barberin ne t'a rien fait savoir ? Non, sans doute il cherche toujours. Le monsieur lui avait donné 100 francs, 5 louis d'or. Et depuis, il lui aura donné sans doute d'autres argent. Tout cela, et aussi les beaux langes dans lesquels tu étais enveloppé lorsqu'on t'a trouvé, c'est la preuve que tes parents sont riches. Quand je t'ai vu là, au coin de la cheminée, j'ai cru que tu les avais retrouvés. Et c'est pour cela que j'ai cru que ton camarade était ton vrai frère. À ce moment, Mathia passa devant la porte. Je l'appelai. « Mathia, mes parents me cherchent. J'ai une famille, une vraie famille. » Mais chose étrange, Mathia ne parut pas partager ma joie et mon enthousiasme. Alors je lui fis le récit de ce que Mère Barberin venait de me rapporter. Chapitre 10. L'ancienne et la nouvelle famille. Je dormis peu cette nuit-là. Et cependant, combien de fois, en ces derniers temps, m'étais-je fait fête de coucher dans mon lit d'enfant, où j'avais passé tant de bonnes nuits, autrefois, sans m'éveiller, blotti dans mon coin, les couvertures tirées jusqu'au menton. Combien de fois aussi, lorsque j'avais été obligée de coucher à la belle étoile, qui n'avait pas toujours été belle, hélas, avais-je regretté cette bonne couverture, glacée par le froid de la nuit ou transpercée jusqu'aux os par la rosée du matin. Aussitôt que je fus couchée, je m'endormis, car j'étais fatiguée de ma journée et aussi de la nuit passée dans la prison. Mais je ne tardai pas à me réveiller en sursaut, et alors il me fut impossible de retrouver le sommeil. J'étais trop agitée, trop enfiévrée. Ma famille. Quand le sommeil m'avait gagné, c'était à cette famille que j'avais pensé. Et pendant le court espace de temps que j'avais dormi, j'avais rêvé famille. Père, mère, frère, sœur. En quelques minutes, j'avais vécu avec ceux que je ne connaissais pas encore et que j'avais vus en ce moment pour la première fois. Chose curieuse, Mathia, Lise, Mère Barberin, Madame Milligan, Arthur, étaient de ma famille, et mon père était Vitalis. Il était ressuscité, et il était très riche. Pendant que nous avions été séparés, il avait eu le temps de retrouver Zerbino et Dolce, qui n'avaient pas été mangés par les loups comme nous l'avions cru. Il n'est personne, je crois, qui n'ait eu de ces hallucinations, où dans un court espace de temps, on vit des années entières, et où l'on parcourt bien souvent d'incommensurables distances. Tout le monde sait comme au réveil subsistent fortes et vivaces les sensations qu'on a éprouvées. Je revis en m'éveillant tous ceux dont je venais de rêver, comme si j'avais passé la soirée avec eux, et tout naturellement, il me fut bien impossible de me rendormir. Peu à peu cependant, les sensations de l'hallucination perdirent de leur intensité, mais la réalité s'imposa à mon esprit pour me tenir encore bien mieux éveillé. Ma famille me cherchait, mais pour la retrouver, c'était à Barberin que je devais m'adresser. Cette pensée seule suffisait pour assombrir ma joie. J'aurais voulu que Barberin ne fût pas mêlé à mon bonheur. Je n'avais pas oublié ces paroles à Vitalis lorsqu'il m'avait vendu à celui-ci, et bien souvent je me les étais répétées. Il y aura du profit pour ceux qui auront élevé cet enfant. Si je n'avais pas compté là-dessus, je ne m'en serais jamais chargée. Cela avait, depuis cette époque, entretenu mes mauvais sentiments à l'égard de Barberin. Ce n'était pas par pitié que Barberin m'avait ramassé dans la rue. Ce n'était pas par pitié non plus qu'il s'était chargé de moi. C'était tout simplement parce que j'étais enveloppée dans de beaux langes. C'était parce qu'il y aurait profit, un jour, à me rendre à mes parents. Ce jour n'étant pas venu assez vite au gré de son désir, il m'avait vendu à Vitalis. Maintenant, il allait me vendre à mon père. Quelle différence entre le mari et la femme. Ce n'était pas pour l'argent qu'elle m'avait aimé, Mère Barberin. Ah, comme j'aurais voulu trouver un moyen pour que ce fût elle qui eût le profit et non Barberin. Mais j'avais beau chercher, me tourner et me retourner dans mon lit, je ne trouvais rien, et toujours je revenais à cette idée désespérante que ce serait Barberin qui me ramènerait à mes parents, que ce serait lui qui serait remercié, récompensé. Enfin, il fallait bien en passer par là, puisqu'il était impossible de faire autrement. Ce serait à moi, plus tard, quand je serai riche, de bien marquer la différence que j'établissais dans mon cœur entre la femme et le mari. Ce serait à moi de remercier et de récompenser Mère Barberin. Pour le moment, je n'avais qu'à m'occuper de Barberin, c'est-à-dire que je devais le chercher et le trouver, car il n'était pas de ces maris qui ne font point un pas sans dire à leur femme où ils vont et où l'on pourra s'adresser si l'on a besoin d'eux. Tout ce que Mère Barberin savait, c'était que son homme était à Paris. Depuis son départ, il n'avait point écrit, pas plus qu'il n'avait envoyé de ses nouvelles par quelques compatriotes, quelques maçons revenant au pays. Ses attentions amicales n'étaient point dans ses habitudes. Où était-il? Où logeait-il? Elle ne le savait pas précisément et de façon à pouvoir lui adresser une lettre. Mais il n'y avait qu'à le chercher chez deux ou trois logeurs du quartier Mouffetard, dont elle connaissait les noms, et on le trouverait certainement chez l'un ou chez l'autre. Je devais donc partir pour Paris et chercher moi-même celui qui me cherchait. Assurément, c'était pour moi une joie bien grande, bien inespérée d'avoir une famille. Cependant, cette joie, dans les conditions où elle m'arrivait, n'était pas sans un mélange d'ennui et même de chagrin. J'avais espéré que nous pourrions passer plusieurs jours tranquilles, heureux, auprès de Mère Barberin, jouer à mes anciens jeux avec Mathia. Et voilà que le lendemain même, nous devions nous remettre en route. En partant de chez Mère Barberin, je devais aller au bord de la mer, à Esnandes, voir Étiennette. Il me fallait donc maintenant renoncer à ce voyage et ne point embrasser cette pauvre Étiennette qui avait été si bonne et si affectueuse pour moi. Après avoir vu Étiennette, je devais aller à Dreuzy, dans la Nièvre, pour donner à Lise des nouvelles de son frère et de sa sœur. Il me fallait donc aussi renoncer à Lise, comme j'aurais renoncé à Étiennette. Ce fut à agiter ses pensées que je passai ma nuit presque tout entière, me disant tantôt que je ne devais abandonner ni Étiennette ni Lise, tantôt, au contraire, que je devais courir à Paris aussi vite que possible pour retrouver ma famille. Enfin, je m'endormis sans m'être arrêté à aucune résolution. Et cette nuit, qui m'avait-il semblé, devait être la meilleure des nuits, fut la plus agitée et la plus mauvaise dont j'ai gardé le souvenir. Le matin, lorsque nous fûmes tous les trois réunis, Mère Barberin, Mathia et moi, autour de l'âtre où sur un feu clair chauffait le lait de notre vache, nous tîmes conseil. Que devais-je faire? Et je racontai mes angoisses, mes irrésolutions de la nuit. Il faut aller tout de suite à Paris, dit Mère Barberin. Tes parents te cherchent, ne retarde pas leur joie. Et elle développa cette idée en l'appuyant de bien des raisons, qui, à mesure qu'elle les expliquait, me paraissaient toutes meilleures les unes que les autres. Alors nous allons partir pour Paris, dis-je, c'est entendu. Mais Mathia ne montra aucune approbation pour cette résolution, tout au contraire. Tu trouves que nous ne devons pas aller à Paris, lui dis-je. Pourquoi ne donnes-tu pas tes raisons, comme Mère Barberin a donné les siennes? Il secoua la tête. Tu me vois assez tourmenté pour ne pas hésiter à m'aider. Je trouve, dit-il enfin, que les nouveaux ne doivent pas faire oublier les anciens. Jusqu'à ce jour, ta famille, c'était Lise, Étiennette, Alexis et Benjamin, qui avaient été des sœurs et des frères pour toi, qui t'avaient aimé. Mais voilà une nouvelle famille qui se présente, que tu ne connais pas et qui n'a rien fait pour toi que te déposer dans la rue. Et tout à coup, tu abandonnes ceux qui ont été bons pour ceux qui ont été mauvais. Je trouve que cela n'est pas juste. Il ne faut pas dire que les parents de Rémi l'ont abandonné, interrompit Mère Barberin. On leur a peut-être pris leur enfant qu'ils pleurent et qu'ils attendent, qu'ils cherchent depuis ce jour. Je ne sais pas cela. Mais je sais que le père Aquin a ramassé Rémi mourant au coin de sa porte, qu'il l'a soigné comme son enfant, et que Alexis, Benjamin, Étiennette et Lise l'ont aimé comme leur frère. Et je dis que ceux qui l'ont accueilli ont bien au moins autant de droits à son amitié que ceux qui volontairement ou involontairement l'ont perdu. Chez le père Aquin et chez ses enfants, l'amitié a été volontaire. Il ne devait rien à Rémi. Mathia prononça ces paroles comme s'il était fâché contre moi, sans me regarder, sans regarder Mère Barberin. Cela me peina, mais cependant sans que le chagrin de me voir ainsi blâmé m'empêchât de sentir toute la force de ce raisonnement. D'ailleurs, j'étais dans la situation de ces gens irrésolus qui se rangent bien souvent du côté de celui qui a parlé le dernier. « Mathia a raison, » dis-je. Et ce n'était pas le cœur léger que je me décidais à aller à Paris sans avoir vu Étienne et Élise. « Mais tes parents, » insista Mère Barberin. Il fallait se prononcer. J'essayais de tout concilier. « Nous n'irons pas voir Étiennette, » dis-je, « parce que ce serait un trop long détour. D'ailleurs, Étiennette sait lire et écrire. Nous pouvons donc nous entendre avec elle par lettre. Mais avant d'aller à Paris, nous passerons par Dreuzy pour voir Lise. Si cela nous retarde, le retard ne sera pas considérable. Et puis Lise ne sait pas écrire, elle ne sait pas lire. Et c'est pour elle surtout que j'ai entrepris ce voyage. Je lui parlerai d'Alexis. Et en demandant à Étiennette de m'écrire à Dreuzy, je lui lirai cette lettre. Bon, dit Mathia en souriant. Il fut convenu que nous partirions le lendemain. Et je passai une partie de la journée à écrire une longue lettre à Étiennette, en lui expliquant pourquoi je n'allais pas la voir, comme j'en avais eu l'intention. Et le lendemain, une fois encore, j'eus à supporter la tristesse des adieux. Mais au moins je ne quittai pas Chavanon comme je l'avais fait avec Vitalis. Je pus embrasser Mère Barberin et lui promettre de revenir la voir bientôt avec mes parents. Toute notre soirée, la veille du départ, fut employée à discuter ce que je lui donnerais. Rien ne serait trop beau pour elle. N'allais-je pas être riche ? Rien ne vaudra pour moi ta vache, mon petit Rémi, me dit-elle. Et avec toutes tes richesses, tu ne pourras me rendre plus heureuse que tu ne l'as fait avec ta pauvreté. Notre pauvre petite vache, il fallut aussi nous séparer d'elle. Mathia l'embrassa plus de 10 fois sur le mufle, ce qui parut lui être agréable, car à chaque baiser, elle allongeait sa grande langue. Et nous voilà de nouveau sur les grands chemins, le sac au dos, Capi en avant de nous. Nous marchons à grands pas, ou plus justement, de temps en temps, sans trop savoir ce que je fais, poussé à mon insu par la hâte d'arriver à Paris, j'allonge le pas. Mais Mathia, après m'avoir suivi un moment, me dit que si nous allons ainsi, nous ne tarderons pas à être à bout de force, et alors je ralentis ma marche. Puis bientôt de nouveau je l'accélère. « Comme tu es pressé !» me dit Mathia d'un air chagrin. « C'est vrai, et il me semble que tu devrais l'être aussi, car ma famille sera ta famille. » Il secoua la tête. Je fus dépité et peiné de voir ce geste que j'avais déjà remarqué plusieurs fois, depuis qu'il était question de ma famille. « Ne sommes-nous pas frères ? Oh, entre nous, bien sûr, et je ne doute pas de toi. Je suis ton frère aujourd'hui, je le serai demain, cela je le crois, je le sens. Eh bien ? Eh bien, pourquoi veux-tu que je sois le frère de tes frères si tu en as, le fils de ton père et de ta mère ? Est-ce que si nous avions été à Lucca, je n'aurais pas été le frère de ta sœur Christina ? « Oh oui, bien sûr. Alors, pourquoi ne serais-tu pas le frère et de mes sœurs, si j'en ai ? Parce que ce n'est pas la même chose, pas du tout, pas du tout. En quoi donc ? Je n'ai pas été emmailloté dans des beaux langes, moi, » dit Mathia. « Mais qu'est-ce que cela fait ? Cela fait beaucoup, cela fait tout, tu le sais comme moi. Tu serais venu à Lucca, et je vois bien maintenant que tu n'y viendras jamais. Tu aurais été reçu par des pauvres gens, mes parents, qui n'auraient eu rien à te reprocher, puisqu'ils auraient été plus pauvres que toi. Mais si les beaux langes disent vrai, comme le pense Mère Barberin, et comme cela doit être, tes parents sont riches. Ils sont peut-être des personnages. Alors comment veux-tu qu'ils accueillent un pauvre petit misérable comme moi ? Que suis-je donc moi-même, si ce n'est un misérable ? Présentement, mais demain, tu seras leur fils, et moi je serai toujours le misérable que je suis aujourd'hui. On t'enverra au collège, on te donnera des maîtres, et moi je n'aurai qu'à continuer ma route tout seul, en me souvenant de toi, comme je l'espère, tu te souviendras de moi aussi. Oh mon cher Mathia, comment peux-tu parler ainsi ? Je parle comme je pense, oh mio caro, et voilà pourquoi je ne peux pas être joyeux de ta joie. Pour cela seulement, parce que nous allons être séparés, et que j'avais cru, je m'étais imaginé, bien des fois même j'avais rêvé que nous serions toujours ensemble, comme nous sommes. Oh, pas comme nous sommes en ce moment, de pauvres musiciens des rues. Nous aurions travaillé tous les deux. Nous serions devenus de vrais musiciens, jouant devant un vrai public, sans nous quitter jamais. Mais cela sera, mon petit Mathia. Si mes parents sont riches, ils le seront pour toi comme pour moi. S'ils m'envoient au collège, tu y viendras avec moi. Nous ne nous quitterons pas. Nous travaillerons ensemble. Nous serons toujours ensemble. Nous grandirons. Nous vivrons ensemble, comme tu le désires, et comme je le désire aussi, tout aussi vivement que toi, je t'assure. Je sais bien que tu le désires, mais tu ne seras plus ton maître comme tu l'es maintenant. Voyons, écoute-moi. Si mes parents me cherchent, cela prouve, n'est-ce pas, qu'ils s'intéressent à moi. Alors ils m'aiment ou ils m'aimeront. S'ils m'aiment, ils ne me refuseront pas ce que je leur demanderai. Et ce que je leur demanderai, ce sera de rendre heureux ceux qui ont été bons pour moi, qui m'ont aimé quand j'étais seul au monde. Mère Barberin, le père Aquin qu'on fera sortir de prison, Étiennette, Alexis, Benjamin, Lise et toi. Lise qu'ils prendront avec eux, qu'on instruira, qu'on guérira, et toi qu'on mettra au collège avec moi, si je dois aller au collège. Voilà comment les choses se passeront, si mes parents sont riches, et tu sais bien que je serais très content qu'ils fussent riches. Et moi je serais très content qu'ils fussent pauvres. Mais tu es bête. Peut-être bien. Et sans en dire davantage, Mathia appela Capi. L'heure était arrivée de nous arrêter pour déjeuner. Il prit le chien dans ses bras, et s'adressant à lui comme s'il avait parlé à une personne qui pouvait le comprendre, et lui répondre. N'est-ce pas, vieux Capi, que toi aussi tu aimerais mieux que les parents de Rémi fussent pauvres? En entendant mon nom, Capi, comme toujours, poussa un aboiement de satisfaction et il mit sa patte droite sur sa poitrine. Avec des parents pauvres, nous continuons notre existence libre, tous les trois. Nous allons où nous voulons et nous n'avons d'autre souci que de satisfaire l'honorable société. Avec des parents riches, au contraire, Capi est mis à la cour, dans une niche et probablement à la chaîne. Une belle chaîne en acier, mais enfin une chaîne, parce que les chiens ne doivent pas entrer dans la maison des riches. J'étais jusqu'à un certain point fâché que Mathia me souhaitât des parents pauvres au lieu de partager le rêve qui m'avait été inspiré par Mère Barberin et que j'avais si promptement et si pleinement adopté. Mais d'un autre côté, j'étais heureux de voir enfin et de comprendre le sentiment qui avait provoqué sa tristesse. C'était l'amitié, c'était la peur de la séparation, et ce n'était que cela. Je ne pouvais donc pas lui tenir rigueur de ce qui, en réalité, était un témoignage d'attachement et de tendresse. Il m'aimait, Mathia, et ne pensant qu'à notre affection, il ne voulait pas qu'on nous séparât. Si nous n'avions pas été obligés de gagner notre pain quotidien, j'aurais, malgré Mathia, continué de forcer le pas. Mais il fallait jouer dans les gros villages qui se trouvaient sur notre route, et en attendant que mes riches parents eussent partagé avec nous leurs richesses, nous devions nous contenter des petits sous que nous ramassions difficilement, ça et là, au hasard. Nous mîmes donc plus de temps que je n'aurais voulu à nous rendre de la Creuse dans la Nièvre, c'est-à-dire de Chavanon à Dreuzy, en passant par Aubusson, Montluçon, Moulins et Decize. D'ailleurs, en plus du pain quotidien, nous avions encore une autre raison qui nous obligeait à faire des recettes aussi grosses que possible. Je n'avais pas oublié ce que Mère Barberin m'avait dit quand elle m'avait assuré qu'avec toutes mes richesses, je ne pourrais jamais la rendre plus heureuse que je ne l'avais fait avec ma pauvreté. Et je voulais que ma petite Lise fût heureuse comme l'avait été Mère Barberin. Assurément, je partagerais ma richesse avec Lise. Cela ne faisait pas de doute, au moins pour moi. Mais en attendant, mais avant que je fusse riche, je voulais porter à Lise un cadeau acheté avec l'argent que j'aurais gagné, le cadeau de la pauvreté. Ce fut une poupée que nous achetâmes à Decize, et qui par bonheur coûtait moins cher qu'une vache. De Decize à Dreuzy, nous n'avions plus qu'à nous hâter, ce que nous fîmes, car à l'exception de Châtillon en Bazois, nous ne trouvions sur notre route que de pauvres villages, où les paysans n'étaient pas disposés à prendre sur leur nécessaire, pour être généreux avec des musiciens dont ils n'avaient pas souci. À partir de Châtillon, nous suivîmes les bords du canal, et ces rives boisées, cette eau tranquille, ces péniches qui s'en allaient doucement, traînées par des chevaux, me reportèrent au temps heureux où, sur le Cygne, avec Madame Milligan et Arthur, j'avais ainsi navigué sur un canal. Où était-il maintenant le cygne? Combien de fois, lorsque nous avions traversé ou longé un canal, avais-je demandé si l'on avait vu passer un bateau de plaisance qui, par sa véranda, par son luxe d'aménagement, ne pouvait être confondu avec aucun autre? Sans doute, Madame Milligan était retournée en Angleterre avec son Arthur guéri. C'était là le probable, c'était là ce qu'il était censé de croire. Et cependant, plus d'une fois, côtoyant les bords de ce canal du Nivernais, je me demandais, en apercevant de loin un bateau traîné par des chevaux, si ce n'était pas le cygne qui venait vers nous. Comme nous étions à l'automne, nos journées de marche étaient moins longues que dans l'été, et nous prenions nos dispositions pour arriver, autant que possible, dans les villages où nous devions coucher avant que la nuit fût tout à fait tombée. Cependant, bien que nous eussions forcé le pas, surtout dans la fin de notre étape, nous n'entrâmes à Dreuzy qu'à la nuit noire. Pour arriver chez la tante de Lise, nous n'avions qu'à suivre le canal, puisque le mari de tante Catherine, qui était éclusier, demeurait dans une maison bâtie à côté même de l'écluse dont il avait la garde. Cela nous épargna du temps, et nous ne tardâmes pas à trouver cette maison, située à l'extrémité du village, dans une prairie plantée de hauts arbres, qui de loin paraissait flotter dans le brouillard. Mon cœur battait fort en approchant de cette maison, dont la fenêtre était éclairée par la réverbération d'un grand feu qui brûlait dans la cheminée, en jetant de temps en temps des nappes de lumière rouge qui illuminaient notre chemin. Lorsque nous fûmes tout près de la maison, je vis que la porte et la fenêtre étaient fermées. Mais par cette fenêtre, qui n'avait ni volet ni rideau, j'aperçus Lise à table, à côté de sa tante, tandis qu'un homme, son oncle sans doute, placé devant elle, nous tournait le dos. « On soupe, » dit Mathia, « c'est le bon moment. » Mais je l'arrêtai de la main sans parler, tandis que de l'autre, je faisais signe à Capi de rester derrière moi silencieux. Puis, dépassant la bretelle de ma harpe, je me préparai à jouer. « Ah oui, » dit Mathia à voix basse, « une sérénade, c'est une bonne idée. » « Non, pas toi, moi tout seul. » Et je jouai les premières notes de ma chanson napolitaine, mais sans chanter, pour que ma voix ne me trahît pas. En jouant, je regardais Lise. Elle leva vivement la tête, et je vis ses yeux lancer comme un éclair. Je chantai. Alors elle sauta à bas de sa chaise et courut vers la porte. Je n'eus que le temps de donner ma harpe à Mathia. Lise était dans mes bras. On nous fit entrer dans la maison, puis après que tante Catherine m'eut embrassée, elle mit deux couverts sur la table. Mais alors je la priai d'en mettre un troisième. « Si vous voulez bien, dis-je, nous avons une petite camarade avec nous. » Et de mon sac, je tirai notre poupée, que j'assis sur la chaise qui était à côté de celle de Lise. Le regard que Lise me jeta, je ne l'ai jamais oublié, et je le vois encore.